Mardi 11 février, vous écoutez l'aérospatiale. Julie Gagné avec vous pour discuter art visuel jusqu'à 18h30. Aujourd'hui à l'émission, je suis allée faire un tour à l'espace Frère Jérôme de la Clarté Dieu sur Grande Allée pour voir l'exposition Tandem. Donc on a invité 7 artistes établis à eux-mêmes inviter des artistes de la relève et on expose donc les 14 œuvres de tous ces artistes. Également, Catherine Boivin est allée faire un tour à Materia et va nous présenter l'exposition Équilibre et Gravité de Raymond Warren. François Simard viendra nous parler de l'exposition Oasis, une exposition de ses œuvres et de celle de Dan Brau. Donc, à regard jusqu'au 23 mars. Raymond Poirier viendra nous entretenir de l'actualité en art visuel. Et puis, le tout sera, bien entendu, ponctué des suggestions de Simon Roy. Bonsoir. Bonsoir. Ça va bien? Très bien. Qu'est-ce qu'on écoute cette semaine, Simon? C'est un truc qui nous vient du Portugal. L'artiste s'appelle Miguel Pipa. C'est son projet Canu Cana Kina, un peu difficile à prononcer. En gros, c'est du circuit bending qu'il fait. Donc ça, c'est on prend des jouets pour enfants, toutes sortes de bidules électroniques qui font du son, puis on s'amuse à les court-circuiter, donc pour produire d'autres sons qui étaient peut-être pas prévus au départ, mais c'est toujours un peu des surprises. Ouais, dans l'exploration. C'est ça exactement, c'était quand même assez accessible, n'importe qui a des trucs qui font du bruit autour d'eux puis peuvent s'amuser à bidouiller là-dedans, ça peut donner des résultats assez intéressants. Donc c'est 4 pièces tirées de son album Speed Selector, c'est publié sur l'étiquette Editora do Porto, donc ça nous vient de la ville de Porto au Portugal. Voilà, ben Simon Roy, merci beaucoup. Ça fait plaisir. On t'écoute à Web Musique dimanche dès 20h. En attendant, on écoute tout de suite un extrait de la pièce Baby Bent sur les ondes de CKRL. On est de retour à l'aérospatiale et j'accueille Raymond Poirier. Bonsoir. Bonsoir. Raymond, qu'est-ce qui se passe-t-il? Ben, des grandes nouvelles, notamment, on en avait parlé un peu quand le prix avait été annoncé. Maintenant, le prix a été remis. Je parle du premier prix en art actuel du Musée national des beaux-arts du Québec. Il a été décerné à Diane Morin. Donc, c'est un premier prix bisannuel unique au Canada qui, je le rappelle, comprend une bourse de 10 000 $, comprend l'organisation d'une exposition solo au musée, une rétrospective également en mode de publication et l'acquisition d'œuvres aussi à la hauteur de 50 000 $ par la collection du Musée national des beaux-arts du Québec. C'est pas rien, hein? C'est vraiment un grand prix. Oui, non, c'est vraiment pas rien. C'est quand même un long processus aussi de sélection qui a mené à ça. En fait, il y a eu un premier jury qui a déterminé une sélection d'artistes qui étaient en lice pour obtenir ce prix-là, un jury formé de gens du milieu, donc autant des conservateurs, des analystes, des enseignants, des artistes, des directeurs artistiques, donc qui étaient au premier jury. Et ensuite, il y a eu un second jury qui a fait une sélection à l'intérieur des choix du premier pour choisir la personne qui remporterait ce prix, donc un jury formé du même type d'intervenants également. Alors, c'est effectivement une démarche qui est très crédible. Et pourquoi le second et le premier jury ont choisi, ont été intéressés, ont été interpellés par le travail de Diane Morin? Eh bien, on parle, et je cite, de la nature singulière de ses recherches. On rappelle que ces dernières explorent des technologies parfois rudimentaires pour étudier le mouvement cinétique et la logique des structures informatiques et robotiques qui nous entourent. On parle de l'investissement de l'artiste dans des productions de grande dimension et spectaculaires, ainsi que sa manière de proposer des œuvres exploratoires et pointues qui ont attiré l'attention du jury. Et dans tous les cas, on mentionne aussi que l'artiste redonne à la technologie sa capacité de fascination tout en dévoilant sa mécanique. Citation additionnelle, cette nomination souligne l'excellence du travail de Diane Morin, dont les recherches se démarquent par l'exploration de sentiers peu fréquentés et néanmoins très actuels. Il s'agit donc pour le musée de mettre en relief la production d'une artiste absolument investie dans son travail, qui explore de façon fascinante certains enjeux technologiques, notamment la logique des machines qui nous entourent. Ben voilà, félicitations Diane Morin. Et sinon, on reste dans les musées. Tiens, je sais pas si vous avez vu ça passer dans les médias. Il y a eu une donation quand même assez imposante qui a été faite au Musée de la civilisation du Québec de Pierre Rivrain, un amateur d'art, et son épouse qui collectionnent objets, œuvres, éléments depuis moultes années. Ils ont donné à peu près 5000 pièces au musée. Il y en a 90 objets qu'on peut voir jusqu'au 16 février au Salon des visiteurs, donc qui représentent une partie de tout ça. On parle de masques cérémoniels d'Océanie, de sculptures d'Armand Vaillancourt, de lampes de Jean-Paul Mousseau, des livres rares d'Alfred Desrochers, de Louis Aymon, des souvenirs du 300e anniversaire de Québec, etc., etc. Donc, c'est effectivement très, très vaste comme collection. Ça touche un peu à tous les différents domaines, donc des sculptures parfois introuvables sur le marché des antiquités, des ouvrages donc qu'on ne retrouve plus non plus aujourd'hui. Alors, on fait état dans différents médias, d'ailleurs, justement, de l'ampleur de cette donation-là et de l'intérêt, évidemment, pour le Musée de la civilisation de mettre la main sur ces pièces qui, après donc ce bref passage dans le Salon des visiteurs, vont se retrouver ensuite dans les collections du musée et pour être éventuellement mises en valeur là, dans les différentes expositions. Ultérieurement. Alors, on reste aussi dans le même axe. Il y a une nouvelle sortie du regroupement des artistes en arts visuels du Québec qui soulève de nouvelles questions par rapport au cachet qui est donné aux artistes. Enfin, on essaie d'amener dans l'esprit des gens, enfin, une distinction entre droit d'exposition et le cachet offert aux artistes. On rappelle en fait que le droit d'exposition, c'est un droit d'auteur qui avait été inclus à la loi suite aux efforts d'artistes, qui donne le droit à l'artiste de recevoir une redevance monétaire en échange de la permission de présenter les œuvres en public dans un contexte autre que la vente ou la location. Mais par contre, on rappelle qu'il ne s'agit pas de rémunération pour les heures travaillées, ni également d'une compensation pour le transport des œuvres ou autres dépenses liées à l'exposition. Et on se questionne justement face à ces éléments-là et quant au fait qu'il pourrait peut-être être pertinent éventuellement d'amorcer une réflexion pour voir, devrait-on rémunérer le travail de l'artiste et pas seulement la diffusion des œuvres qu'il produit? Et eux mentionnent notamment et rappellent que quand on observe justement les revenus des artistes pour l'année 2010, on constate que le revenu moyen tiré de leur travail créatif avant déduction des dépenses professionnelles et de production se situe à peu près à 10 000 à 11 000 $ par année. Et après déduction, une fois qu'on a enlevé les dépenses, ça revient à peu près à 2 000. Donc, ce qu'on dit, c'est qu'il y a peut-être une disparité contexte où les heures travaillées ne sont pas rémunérées. Alors, de quelle manière essayer de protéger ces frais-là? Est-ce qu'on devrait justement offrir le salaire minimum aux artistes pour la production, un peu comme pour les comédiens? Eux ont accès au salaire minimum pour les répétitions, qui n'étaient pas rémunérées d'ailleurs, il y a de ça quelques années. Alors, une réflexion qui est quand même assez pertinente qui est proposée. En fait, faut que ça bouge, dit-elle vraiment indignée. Et si les gens veulent voir, d'ailleurs, enfin, on met tous les liens, évidemment, sur l'aérospatiale.wordpress.com et l'argumentaire du regroupement des artistes en art visuel s'y trouve, justement. Sinon, deux petites nouvelles légères pour terminer. Premièrement, en fait, je trouvais ça intéressant. Il y a un tableau jusqu'à présent attribué au peintre français Fernand Léger qui a été déclaré faux. Oh. Bon, c'est pas nouveau, il y a des faux qui se trouvent. Non, mais j'imagine que celui-là, c'est particulier. Mais en fait, c'est la manière dont ils ont réussi à prouver que c'était un faux, en fait. Ce qui se passe, en fait, c'est qu'il y a plusieurs gens, depuis les années 70, qui cherchaient à savoir si, justement, c'était effectivement une toile de Léger, peinte de la main du peintre entre 1913 et 1914. Et finalement, ce qui s'est passé, c'est que on a finalement réussi à faire une analyse en utilisant un accélérateur de particules pour mesurer le carbone 14 contenu dans un fragment de la toile non peinte du tableau. On a comparé ensuite les résultats de cette analyse-là avec ceux de la courbe dite du pic de la bombe. Et c'est avec cette méthode... La courbe dite du pic de la bombe? En fait, c'est que pendant la guerre froide, le nombre d'essais nucléaires augmentait dans le monde et augmentait le niveau de carbone 14 dans l'atmosphère jusqu'à atteindre un pic. Et donc, ce qu'on a identifié, c'est que si le pic du tableau n'était pas adéquat versus le pic qu'il y avait à l'époque, qui était trop bas ou trop haut, mais ça veut dire qu'il n'avait pas été peint à la période où il devait avoir été peint. Donc, avant la guerre froide. Donc, ça a été peint après 1959 plutôt que pendant la Grande Guerre. Donc, ça ne correspond pas au niveau de cette analyse-là à la période où l'œuvre devait avoir été peinte. Wow. Donc, c'est un faux. Voilà. Quand même. C'est intéressant. Et dernière nouvelle, ça concerne les historiens de l'art. En fait, jugement qui a été rendu aux États-Unis. Désormais, un expert n'a plus le droit d'être condamné à l'obligation d'établir un certificat authentifiant qu'un tableau est l'œuvre d'un peintre s'il croit que c'est un faux ou que ce n'est pas l'œuvre de ce peintre-là. Alors, OK, donc avant, t'étais obligé, c'était comme dans tes fonctions. En fait, il y avait eu beaucoup de poursuites qui avaient été faites, et ce qui avait amené d'ailleurs plusieurs historiens de l'art à refuser d'avaliser la véracité des tableaux, parce qu'ils disaient, ben regardez, si ça s'avère que c'est pas ce que vous voulez entendre, vous allez me poursuivre parce que je dis pas ce que vous voulez entendre, et c'est pas correct. Et là, finalement, ce jugement-là, qui au bout du compte du gros bon sens dans ma tête, ça vient effectivement donner le droit aux historiens de l'art de ne pas avaliser si un tableau est vrai ou non. En fait, de pouvoir dire qu'un tableau est un faux. Ils ne vont pas être poursuivis, finalement. Exactement. Ça les protège. Donc, ils ont une indépendance. Ils n'ont pas de compte à rendre autre que leur indépendance et la véracité et la vérité, la quête de la vérité. Leur intégrité. Donc, ils n'ont plus de compte à rendre aux gens qui les embauchent pour authentifier les œuvres. Eh bien, vive les États-Unis, hein? Oui. Je ne savais pas, mais voilà pourquoi je ne suis pas surprise. Raymond Poirier, merci beaucoup. On s'en va en pause audio. On écoute un extrait de la pièce Tobor. C'était un extrait de l'album Canucanica Speed Selector de Miguel Pipa, toujours à l'aérospatiale sur les ondes de CKRL. Jeudi dernier, c'était le vernissage de la première exposition de la saison, vendredi dernier, pardon, de la première exposition à regard, exposition Oasis de Dan Brault et François Simard qui est avec nous pour en parler. Bonsoir. Salut Julie. Dis-moi François, cette exposition-là, Dan et toi, vous l'avez... pratiquement monté ensemble. En fait, on a été invités, on a soumis chacun notre dossier à Regard pour la programmation, puis on a décidé à la programmation de Regard de nous mettre ensemble sans qu'on aille fait cette décision-là. OK. Puis vu qu'on est des collègues d'atelier de longue date, on s'est prêté au jeu de faire l'exposition ensemble, mais on a décidé de produire chacun un corpus d'œuvres individuelles. Non, c'est ça. Donc, vous avez chacun vos œuvres, mais vous les présentez comme aux côtés les unes des autres, donc les tiennes côtoient celles de Dan, là, sans exactement, séparer non ça, plus. On s'est permis de jouer avec ça lors du montage. On s'est dit soit qu'on présente vraiment chacun nos pièces séparées, ou on vient créer comme un rythme en présentant des fois un de mes tableaux, deux tableaux de Dan, un des miens, en alternance comme ça. Là. Puis est-ce que c'était dans l'idée aussi d'accentuer un dialogue qui semblait déjà quand même présent là, au travers des œuvres? Effectivement, tu sais, comme je le dis, on est des collègues d'atelier, on partage un atelier ensemble depuis, 5-6 ans à peu près. Puis il y a des thématiques qui reviennent dans nos pratiques, chacun de notre côté. Là. Je pense juste à... Il y a une de nos passions communes qui est la pêche à la mouche. Ouais, on le voit bien, hein? Ouais, le montage de mouche, la pêche à la mouche, ça, c'est quelque chose qu'on voit dans la peinture. Puis on a décidé de mixer ça, là, chacun de notre côté, là, puis de créer un rythme avec le montage. D'ailleurs, la mouche... Moi, je trouvais que ça agissait un peu comme un motif là, tu sais, qui venait ponctuer un peu. L'expo, vous en avez fait, des mouches? Oui, il y a une petite pièce qui est à part de la grande salle. Dans la vitrine, où on expose chacun une mouche qu'on a faite, qui est presque un autoportrait. Ah ouais? Ouais. Mais, ouais, parce que c'est un art, la mouche, hein, je pense. Ouais, le montage de mouche, ouais, effectivement. Puis vous avez décidé aussi de créer une œuvre en commun, donc une toute petite œuvre, parce que vous exposez des grands formats, qui est justement l'Oasis. Oui, pour vous, est-ce que ça agit comme une sorte de synthèse à l'exposition? Ou, un peu, en fait, on a créé cette œuvre-là spécifiquement pour le carton d'invitation. OK. après avoir fait le corpus de tableaux. Puis on a décidé de jouer un peu sur le titre là, qu'on s'est donné, l'Oasis. Qu'est-ce que ça représente un peu pour nous? Puis on a fait une espèce de paysage idyllique en même temps qui est avec des l'apocalypse un peu qui se passe dedans. Là. Un peu comme dans vos tableaux, d'une certaine manière. Je dis pas qu'il y a une apocalypse qui se passe, mais tu sais, cette espèce de foisonnement là, d'éléments dans les deux cas. On n'est pas dans le minimalisme, là, disons. c'est la surcharge pas mal d'éléments de part et d'autre. Là. C'est pour ça que c'était un bon défi aussi de présenter une expo à deux. Il y a quand même beaucoup de tableaux dans l'expo qui ont beaucoup d'éléments dedans. Fait que c'était un bon défi d'accrochage, là, d'essayer de que ça soit pas trop là. Ça a été, j'imagine, ça a dû être quand même assez long, là, penser à tout ça, regarder les œuvres, organiser. Oui, même on a fait plus de tableaux que voulu, qui sont présentés dans l'expo. On en a retiré. On trouvait qu'il y en avait un petit peu trop, fait qu'on est arrivé à la bonne quantité, là, je pense. Hein. Tu dis justement, on a fait plus de tableaux. Qu'est-ce qui est présenté dans l'expo? Ça, c'est intéressant parce que votre production qui est là, c'est pas des œuvres qu'on aurait pu voir ailleurs. Là, c'est vraiment. C'est fait spécifiquement pour l'exposition. Oui, vraiment. Quand on a su qu'on allait faire l'expo ensemble, on s'est dit, OK, on fait chacun 6 tableaux. On se donne chacun un format qui va être identique pour la série. Moi, j'ai fait des 5 pieds par 7 pieds. Dan a fait des 4 pieds par 4 pieds et demi à peu près. Ah oui, presque carré, on dirait. Oui, c'est ça. Fait que il y en a pas 6 chacun qui sont présentés. On en a mis 5 chacun. Fait qu'on a juste retiré un tableau chaque. OK. Fait qu'on trouvait que ça marchait mieux comme ça, là. Puis, dans ton cas, ça faisait un certain temps là, qu'on n'avait pas vu ton travail. Oui, effectivement. Je pense que la dernière fois, c'était au 36. On s'était parlé, d'ailleurs, à ce sujet-là. Oui, ça fait un petit moment. Oui, oui, oui. Ça semble avoir changé pas mal, je pense, en 2-3 ans. Là, ce coup-ci, tu as décidé de travailler à partir de la main. Oui. Pourquoi? C'est une excellente question. Ouais, hein? Mais effectivement, il y a eu une longue pause. En fait, la dernière expo que j'ai présentée, c'était à l'œil de poisson. OK. Ah oui, puis la Joconde. En duo avec Pascal Gingras en 2011, je crois. Après ça, il y a eu la naissance de mon garçon. Ah bon, qui change quand même beaucoup de choses dans une vie. Fait que j'ai pris une petite pause à ce niveau-là. Je me suis consacré plus à mes activités professionnelles d'encadreur. Ben ouais. C'est ça. Ouais, je suis arrivé avec une thématique que je me suis imposée, la main, justement. Ouais, c'est parce les grosses mains. Tu travailles toujours de 7 à partir de systèmes, là, que tu te crées. Dans ce cas-ci, c'était la main. Je m'impose vraiment un a priori que je vais devoir respecter du début à la fin de la série de tableaux. Ici, j'ai décidé de faire 3 mains gauches, 3 mains droites, des immenses silhouettes de 7 pieds de large. Fait que c'était pour moi une façon de délimiter un espace, qui va être soit de la représentation, soit de son antithèse, là. Mais c'est ça, l'intérieur de la main, l'extérieur, c'était vraiment une façon de, pour moi, de dire il y a une limite d'espace qui se crée par cette silhouette-là. Là. Mais est-ce que la main, pour toi, avait une symbolique, comme dans l'idée on remet la main à la pâte ou je ne sais trop, là, c'est sûrement pas ça, là, mais... Non, c'est un choix vraiment spontané, là. Chose que j'ai fait quelques petites esquisses, puis ça me tente de le faire, mais en vraiment très gros format. Puis souvent, ça part d'une petite idée très simple comme ça, les séries de tableaux, puis je l'amène jusqu'à la fin. Là. Je me dis, il faut absolument que je fasse les six en silhouette demain. Je suis un peu têtu. Là. Puis c'est ce que j'ai fait. Ça doit être assez complexe. Hein? Tu dis, je suis assez têtu. Là. J'ai l'impression que tu as dû travailler fort pour ça, parce que la main, c'est quelque chose qu'on voit, ben, pas qu'on voit si souvent, mais c'est facile que ça devienne décoratif ou que ça devienne un peu cucu. Effectivement. T'sais, moi, je pensais, je regardais ça, puis je me disais, il n'est pas tombé dans facilité de par exemple, les mains en plâtre sur le décor. Mais, oui. C'est vrai que c'est une silhouette qui est très connotée. Là. C'est une des formes les plus facilement reconnaissables qu'on peut voir en silhouette. Là. Mais ouais. Ça, puis la forme d'un corps humain. Là. Fait que pour moi, c'était partir avec ce défi-là de connotation, là, justement, puis d'aller un petit peu au-delà, de le briser en amenant d'autres choses, d'autres aspects de la représentation, comme par exemple, j'ai introduit le paysage là-dedans, qui va être peint à l'intérieur de la silhouette de la main. Fait qu'il y a comme un aller-retour entre deux espaces de représentation qui sont confrontés simultanément. Là. Ouais, deux thèmes, d'une certaine manière. Je sais pas le thème que je voulais dire, là, mais bon... Je pense qu'on se comprend. Oui, tout à fait. Comment tu trouves que les œuvres dialoguent dans la salle d'exposition? Tu sais, quand tu ton coup d'œil, là, t'en penses quoi? Ben, comme je disais, je trouve que c'est chargé comme intervention. Il y a beaucoup d'éléments. Ce qui me plaît quand même, là. J'aime ça qu'il y ait beaucoup de choses à voir comme ça. Ce qui fonctionne bien, je pense, c'est les rappels qu'on a d'un tableau à l'autre, parce qu'on s'influence constamment. Mais juste pour l'expo, là, j'imagine, partageant l'atelier. Oui, c'est ça. Dans la pratique à Dan, il y a des choses qui reviennent dans la mienne, puis vice-versa. Sans le vouloir, on a des éléments qui sont empruntés à l'autre. Puis même des fois, ça peut causer de l'ambiguïté, même, à savoir qui a fait quelle intervention. Mais là, c'est assez clair quand même, juste par le fait d'avoir des corpus très différents, même juste au niveau du format. Là. Tu parles de, justement, ça peut causer des questionnements. L'exposition qui avait été présentée, là, Sauvage, entre autres, il y avait une exposition, une œuvre de toi, une œuvre d'Adane aussi. Je le voyais beaucoup, cette parenté-là, qui était un peu atténuée, justement, dans le cas de l'expo à regard. Mais quand même, hein, c'est vrai, tu parlais d'éléments qui se rappellent d'œuvre à l'autre. Ouais. Qu'est-ce que tu observes, toi, principalement, qui s'apparente? Juste les modes d'accumulation d'objets. Dans un tableau qui sont c'est très baroque là, comme intervention. Là. Il y a beaucoup d'objets, ça foisonne. Il y a dans la palette aussi de couleurs très vives, des rouges vifs, cadmium, jaune. Moi pis Dan, on partage un peu cette palette là. Mais moi je voyais aussi comme les taches de couleurs, certains aspects hard edge, le mix entre différentes façons de peindre dans un même tableau, comme tu dis, le hard edge qui côtoie un geste spontané sur la même surface, ça c'est quelque chose des stratégies qu'on utilise. C'est quand même je trouve que ça démontre quand même une grande liberté de votre part, justement, d'utiliser les deux, autant de langage, autant de... Moi, j'appelle ça des langages, mais bon, je sais pas si comment toi tu les appelles, mais autant de manières, en fait. Est-ce que c'est difficile de garder le calme dans cette voie-là? Non, c'est comme une banque une espèce d'inventaire de possibilités, là, dans lequel on va pousser la limite de ça, là, jusqu'à temps qu'il y ait d'autres choses qui émergent, puis qui prennent une autre direction, il y a d'autres possibilités qui arrivent. Avec l'inventaire d'objets, c'est un cycle un peu, si on veut. Là, le type d'intervention qu'on utilisait il y a 5 ans va revenir dans une autre production et vice-versa. Fait que c'est ça. Et peut-être en terminant, si tu peux me parler un peu du travail de Dan, qu'est-ce que t'en dis des œuvres qui sont présentées? Ben Dan, il est dans une lancée depuis peut-être 2 ou 3 ans d'une série d'œuvres qui se poursuit avec ce corpus-là qui est présenté à Regard. C'est comme une espèce de continuité d'une série qui est très très riche en termes de ouais, comment je pourrais dire. En termes de couleurs, de formes, de réflexion. Dan, il présente quelque chose de très, très surchargé d'éléments. Je pense qu'il c'est la première fois dans sa pratique qu'il arrive avec autant d'éléments dans une même superficie, comme s'il voulait remplir le plus possible la surface avec des objets peints. Puis je pense que là, il arrive à quelque chose avec cette expo-là. Un achèvement, mais qui va sûrement poursuivre dans cette direction-là aussi, là. Mais c'est ça. Voilà. Ben, François Simard, merci beaucoup. Ça fait plaisir. Donc, l'exposition Oasis de justement François Simard et Dan Brault est présentée à Regard jusqu'au 23 mars. C'est quoi? C'est KRL 89,1 à Québec, Canada. Québec, c'est KRL. Arthur H. Quoi de mieux que de faire la différence dans la vie de quelqu'un? Le Centre de parrainage civique de Québec est à la recherche de bénévoles désirant développer une relation d'entraide et d'amitié avec une personne vivant certaines incapacités. Pour quelques heures de temps libre par semaine, vous pourrez faire de belles activités en compagnie d'une personne filleule. En devenant parrain ou marraine civique, vous l'aiderez à briser son isolement. Informez-vous au 527 80 97 ou au cpcq.ca. Du 5 février au 2 mars, c'est la 15e édition du Mois Multi. Un électrisant programme vous transportera durant ces 27 journées de festivités. Spectacles multidisciplinaires, performances sonores et lumineuses, danse, arts électroniques, installations robotiques, sonores et interactives, cabaret multi et bien plus. Plus d'une centaine d'artistes d'ici et de l'étranger vous invitent à cette rencontre multidisciplinaire unique. Le Mois Multi, du 5 février au 2 mars, à la coopérative Méduse et chez plusieurs partenaires. moimulti.org. Les productions Explosive Groove vous invitent au lancement du 6e album du groupe The Soul Jazz Orchestra, Inner Fire. Les sonorités jazz, afro et tropicales de ce nouvel album se marient parfaitement avec les sélections chaudes des DJ 100% Dynamite et Funk Connection. Rendez-vous le vendredi 21 février à partir de 21h au Cercle, 228 rue Saint-Joseph-Est, pour une soirée de musique jazz, afro, funk et tropicale. $15 à la porte. Une publicité artisanale pour des bières artisanales. Ma sœur, regardez, le petit Jésus semble vouloir nous parler. Oh, ben c'est le bon Dieu en personne. Mes brebis, mes enfants, auriez-vous avec vous une barre à clous? Ben voyons, mais pour que c'est faire, mon pour Jésus? Pour pouvoir descendre de ma croix et enfin pouvoir boire une bonne bière. Si telle est votre volonté, Seigneur. Brasserie artisanale La Korrigan, 380 Dorchester dans la paroisse de Québec. Vous possédez une carte de membre de CKRL? Économisez 10% à chaque fois que vous faites un achat au Centre de yoga de Québec, 1355 3e avenue. La carte de membre de CKRL, c'est pratico-économique. Voilà, il est 18h, on est de retour à l'aérospatiale. Jules Gagné, toujours avec vous, accompagné de Jacques Gignac à la mise en onde. Et j'accueille à l'instant Catherine Boivin pour sa première chronique de l'année. Bonsoir Catherine. Bonsoir Julie. Catherine, t'es allée faire un tour à Materia pour voir l'exposition de Raymond Warren. Oui, Le centre de diffusion en métier d'art nous présente un artiste qui travaille la céramique, qui est sculpteur de formation. C'est ce qui est écrit sur son site. Il se présente comme sculpteur. C'est quelqu'un qu'on connaît peu. Moi, j'ai fait une belle découverte parce que c'est quelqu'un qui vient de la région, je dirais plus de Gatineau. Okay. Et qui vit comme un peu isolé, à mi-chemin entre Ottawa, Montréal et Mont-Laurier. Là, c'est vraiment, on s'en va vers le parc de la Vérendrye. Là. Il est vraiment au loin. Et donc, c'est quelqu'un qui est plus connu dans la région de Gatineau. Donc, c'est intéressant. C'est quelqu'un qui a une carrière, là, je dirais, bien amorcée, puisque c'est un diplômé de l'UQAM de 1974. Donc, c'est un monsieur qui est dans la soixantaine. Et là, pour nous parler de l'exposition, eh bien, je dirais que Materia est prise d'assaut par les figurines de Raymond Warren. Ça déborde de partout. Enfin, il y a c'est des œuvres installatives. C'est de la céramique. En fait, c'est du grès. Et c'est des petites figurines qui sont placées dans des poses tout en mouvement. Parce que la thématique, c'est équilibre et gravité. Et vraiment, ces petites figurines-là ressemblent, moi, je dirais, à des petits poupons, un peu des petits bébés, assez schématisés dans le sens que c'est vraiment des formes simplifiées. Ça ressemble aussi à des petites statuettes de la préhistoire, un peu, là, dans cette simplification-là. Oui, absolument, avec à peine le visage esquissé. Et on n'est pas toujours capable de savoir s'il s'agit de formats d'êtres humains matures ou des enfants. Alors, des fois, on le sent bien, là, qu'il y a des thématiques comme un père avec son enfant ou la famille. La thématique de la famille est exploitée, c'est une thématique qui est revenue. Mais là, en ce moment, c'est vraiment ce qui est fascinant, c'est que il y a des contrastes merveilleux, puisque la céramique, en principe, ben, surtout le grès, ça a vraiment une couleur terre. Et elles sont suspendues dans les airs parce qu'elles se pendent. Il réussit à les façonner de façon à ce que les mains, il y a des trous à l'intérieur pour pouvoir glisser soit des pôles pour qu'elles fassent une espèce de l'échasse ou encore elles sont suspendues sur des fils, cordes. Alors, elles font de l'escalade, elles grimpent sur les murs, il y en a au plafond, il y en a au sol, il y en a partout, là. Alors, c'est assez très dynamique étant donné les poses puis la quantité d'œuvres qu'on peut retrouver dans l'exposition. J'imagine que ça doit être intéressant à visiter avec des enfants. Exactement. C'est intéressant parce que ça se veut, je dirais, facile d'accès, là, puisque ces personnages-là tout de suite nous interpellent et nous communiquent un sens qu'on peut comprendre assez bien. Alors oui, c'est vraiment une exposition familiale. Je pense que c'est comme ça que Materia la présente aussi. Et les vitrines sont toutes ouvertes sur la rue. Alors les gens passent et puis là, ben les gens, des fois, ils vont mettre des cimaises pour, on voit pas nécessairement l'intérieur, mais là, c'est vraiment la transparence. Il y a plusieurs figurines dans les vitrines. Et on me disait que les gens sont très attirés. Ils se demandent, mais qu'est-ce qui se passe? C'est quoi le cirque qu'on peut voir, là? Parce que ça évoque le cirque un peu. Et il semblerait que les gens sont assez attirés. Et étonnamment, la personne qui m'a accueillie à la galerie me disait que ça interpelle les hommes. Il y a une clientèle masculine qui vient faire son tour. Et je dirais, ben une des choses... Qu'est-ce que tu penses, justement, qui explique ça? Ben, je me suis questionnée, justement, pour essayer de savoir qu'est-ce que... Ben, il y a une question, d'une part, le matériau, parce que de loin, de l'extérieur, on aurait peut-être l'impression d'une sculpture sur bois. Ouais. Il y a quelque chose de... Dans la couleur, là, il y a quelque chose de qui fait... ça fait couleur bois, on est dans les teintes couleur de bois. Couleur brute, un peu, hein? Parce que là, il n'y a pas de glaçure, hein, c'est vraiment... je dirais la patine qu'on va retrouver sont toutes assez différentes. Elles ont les traces du feu là de quand elles vont cuire. Donc il y a une question du matériau. Et puis, il y a des gens qui pensent que c'est, comme je disais, c'est du bois. Il y a aussi, il interagit la céramique. Des fois, il l'installe avec des morceaux de métal recyclé. Donc, il y a un côté plus dur, des fois, là, dans le côté brut du matériau. Donc, céramique, bois et métal. Puis il y a le fait peut-être l'action, hein, c'est des figurines qui sont en action, qui sont tous en train de vraiment là comme en train de soit faire ben je dirais c'est de la voltige, comme je disais, de l'escalade, on est dans une dynamique du mouvement, du sport un peu des fois on a vraiment l'impression aussi des espiègleries, des petites figurines qui montent ou des enfants qui c'est ça là qui se préparent un mauvais coup, qui explorent. Alors c'est un peu je dirais, une drive masculine, peut-être, de base. Franchement, là, c'est de la psychologie de bottine, mon affaire, mais je trouvais ça intéressant qu'on mentionne cet aspect-là. Moi, j'ai envie de faire du pas sur quelque chose que tu as dit tantôt, comme une sorte de cirque. La manière dont t'en parles, j'ai pas vu l'exposition, je regarde les images là, des œuvres de Raymond Warren, mais ça me rappelle, c'est sûr, absolument pas dans la facture, mais une exposition qu'il y a eu il y a quelques années d'Alice Martineau, où c'était des petites sculptures de personnages qui font des exploits de cirque, finalement, où elle exploitait vraiment les limites là, physiques de la sculpture et également de la posture, donc la prouesse mm-hmm. Du corps. Ça me rappelle un peu ça, ce que tu mentionnes. Mais la variété des poses de mouvements, là, c'est vraiment c'est assez fascinant. Que donc, tu sais, les personnages, les petites fesses dans les airs ou les jambes qui... Vraiment, il y a une variété du mouvement. Ça peut interpeller les gens... oui, du cirque, mais aussi de la danse. C'est vraiment... Je comprends qu'il se déclare sculpteur parce que c'est vraiment une étude, justement, du mouvement de la figure humaine. C'est vraiment la base de son travail, là. Vraiment, je dirais, aussi. Puis, il y a des installations aussi parce qu'il y a des interactions entre les matériaux. Il va faire des espèces d'échelles de bois. Il les fait se suspendre dans différentes... en fait, sur différentes tablettes. Alors, mm-hmm. il interagit avec les matériaux. Des fois, ils sont regroupés plusieurs ensemble. Puis, c'est quand même, dans tout ça, c'est comme une célébration de la vie. Il y a quelque chose d'un côté naïf à cause des figurines un peu enfants. Il y a quelque chose d'assez tendre, assez humain parce qu'il y a l'interrelation entre ces figures-là. Elles sont pas toutes seules. Elles interagissent les unes avec les autres ou encore dans le contexte de la famille. On le voit. Puis, mon conjoint qui était avec moi me faisait remarquer aussi que dans cette installation-là, généralement, on a l'impression que c'est plus des figurines masculines aussi. Il y a moins, il y en a, tu vois qu'il y a des petits seins, alors, ah, OK, tu dis c'est un personnage féminin, mais l'ensemble, on dirait que c'est des papas avec des bébés qui jouent. Ouais, c'est ça. Un donc, regard intéressant aussi, peut-être justement, on disait que les hommes étaient interpellés, étaient plus attirés. C'est ça, parce que c'est pas au début, on le voit pas nécessairement de qui il s'agit exactement. On a plus l'impression d'une série d'enfants, là, de poupons, là. Ocre et non pas rose, mais quasiment, ils sont tous nus, là. Cet aspect-là aussi de plus traditionnel de la sculpture aussi. Mais c'est assez positif, moi, c'est ce que j'ai trouvé, là. Il n'y a pas un regard sombre, là, sur cette condition humaine-là. C'est la fête. C'est un peu, ouais, c'est la célébration de la vie, du mouvement, de l'exploration, de la curiosité qui s'est évoquée là, puis en même temps, peut-être des métaphores un peu sur l'équilibre, là, que l'on cherche tous. Tout le monde est en train de chercher un peu cet équilibre-là, puis enfin, face à son destin, un peu, en fait, la marche de chacun, mais disons que c'est pas ça qui saute d'emblée, vraiment à l'esprit, là. C'est quelque chose de joyeux. L'équilibre et la gravité, j'imagine, c'est un sculpteur, donc ça doit être quelque chose qui l'intéresse aussi, tu sais, dans la manière dont on va façonner ces personnages-là, là, parce que pour les placer de la manière dont tu parles, mm-hmm. ben, il faut quand même qui maîtrise aussi là, vraiment son médium là, pour mais être... Oui, il y a énormément de métiers, vraiment, je dirais, oui, parce qu'elles tiennent en équilibre, justement, ces sculptures-là, tu sens pas qu'elles prennent appui nécessairement, puis c'est intéressant parce qu'il y a un côté extrêmement réfléchi où on sent que la pose a dû provenir d'un dessin, ils ont vraiment pensé, conçu pour être capable de les adapter avec leur éléments qu'elles vont tenir ou et tout ça. Puis un côté aléatoire qui va se produire au niveau de la cuisson, puisque c'est pas cuit au gaz. Là, j'expliquais tantôt, les flammes sont apparentes sur les sculptures, et puis c'est donc une cuisson au bois. Ouais. Et bien toute une vidéo on peut le voir travailler dans son atelier où justement on le voit remplir le four avec des petites sculptures comme ça. Puis pour lui, il disait que c'était une surprise. Ben oui, parce que son four, problème, la maîtrise là, de la cuisson est pas la même du tout. L'emplacement, c'est pas aussi égal. L'emplacement, avec le gaz. L'essence de bois qu'il va utiliser. Alors là, tu sens que puis on le sent, le côté justement de leur origine, là, qui viennent par le feu, là, c'est assez intéressant. Puis il y a le contraste que Matériel nous indique dans son communiqué, le contraste là, je dis, entre les éléments, le côté lourd de la céramique du grès, ils sont tous aériens aussi. Alors oui, moi j'ai trouvé que je sentais la maîtrise du métier au niveau du façonnage, puis même je dirais que la simplification des formes, les formes des figures primitives, mais il y a beaucoup Henry Moore, le sculpteur anglais, qui travaillait beaucoup la thématique de la famille, le papa, la maman, les enfants, dans des formes simplifiées, même parfois abstraites, assez rondes aussi, pleines. Elles sont toutes rondes, mais il semblerait qu'elles sont vides, les sculptures de M. Warren aussi. Là. Ah, c'est ça, j'en demandais justement, là, c'était vide ou pleine. Ouais, c'est ça. Donc, ça permet peut-être justement de les suspendre un peu partout. Là, mais si ça vous intéresse de passer, l'exposition a lieu jusqu'au 23 février. Et on m'a dit que M. Warren va être présent pour la dernière journée de l'exposition, parce qu'il vient démonter. Il repart dans sa lointaine région près de Maniwaki. Alors, c'est quand même de la visite rare. Visite qui vient de loin. La visite qui vient de loin, tout à fait. Et puis, simplement vous dire peut-être aussi que Materia a changé ses heures d'ouverture. Ah, oui, c'est bien. Oui, alors, c'est surtout jusqu'à... Avant, il fermait à 5 heures. Alors, il ferme maintenant à 5h30. Ça donne la chance aux gens qui quittent le bureau, qui voudraient... Passer ou qui sont interpellés par la vitrine, ils veulent aller faire un tour, ben gênez-vous pas, c'est vraiment justement une exposition qui est vraiment fascinante par ces petits personnages qui plaît à tous. Voilà, mais allez-y en famille. En tout cas, moi, ça me donne envie d'y aller avec mon garçon. Mais Catherine Boivin, merci beaucoup. Ça me fait plaisir. On fait une pause audio, on écoute la pièce Broken Orbit. Voilà, on est de retour à l'aérospatiale. La pièce qu'on a entendue, c'était Broken Orbit de Miguel Pipa, de l'album Kanu Kanakina, Speed Selector, une suggestion de Simon Roy. Je vous invite à aller sur notre site internet, l'aérospatiale.wordpress.com, pour écouter l'émission, si vous les avez manqué des bouts, l'émission en balado-diffusion. Il y a également tous les communiqués de presse qui nous parviennent à propos des arts visuels à Québec, aussi les liens pour la revue de presse de Raymond Poirier. Et j'en passe. Vous pouvez également nous suivre sur Facebook. On est relativement actif, mais surtout, on est très accessible. Voilà. Et je vous ai dit en début d'émission qu'on allait parler de l'exposition Tandem qui est présentée à l'Espace Frère Jérôme de la Clarté 10 jusqu'au 16 février. Je vous dis, dès le départ, j'ai voulu avoir des artistes en entrevue pour parler de cette exposition-là, puisque c'est 7 artistes établis qui ont invité chacun un artiste de la relève à exposer avec eux. Donc, en tant qu'animatrice, j'étais très curieuse à savoir pourquoi, qu'est-ce qui a guidé leur choix des gens à inviter, les artistes de la relève, qu'est-ce que ça fait d'être invité comme ça par un artiste établi et tout ça. Et puis, M. Roger Chabot, qui s'occupe de l'espace Frère Jérôme, a vraiment travaillé fort pour trouver des gens pour venir à l'émission et ça n'a pas fonctionné, mais j'ai quand même décidé de vous en parler parce que c'est une initiative quand même que je trouve assez intéressante qui nous présente des horizons quand même assez variés là, de l'art. En fait, c'est... des médiums quand même assez variés également, mais bon, je vous en parlerai peut-être un peu plus précisément dans quelques instants. Donc, une exposition, comme je le disais, qui est variée dans les genres, mais qui possède quand même une bonne unité visuelle. Des œuvres qui sont accrochées dans une salle, en fait, qui est assez petite. Il n'y a pas nécessairement non plus des grands pans de mur. C'est un espace intime qui impose aussi, bien entendu, des œuvres de format assez petit. Donc, l'accrochage, j'ai l'impression qu'il a été fait en fonction de parenté formelle, parenté de forme et surtout parenté de couleur. Ça veut dire que les tandems d'artistes sont pas nécessairement jumelés. Quelques-uns le sont, mais c'est pas la majorité qui l'est. Et j'ai l'impression que ce choix-là a été fait dans la perspective de laisser parler les œuvres en elles-mêmes. Donc, par exemple, Daniel April a... Non, peut-être pas cet exemple-là, je change, vous verrez pourquoi plus tard, mais Carole Baillargeon a invité Michel B. Lemaire. Ben, on aurait pu essayer de voir les œuvres en lien les unes avec les autres, essayer de voir est-ce qu'il y a des parentés dans le style, dans les couleurs et tout ça. Et là, ben, les œuvres, elles sont vraiment autonomes, en fait, puis... Je dis ça, puis j'ai aussi l'impression que c'est pour pas non plus placer les artistes de la relève dans l'ombre des artistes établis, pour pas non plus qu'on fasse nécessairement juste une association directe entre les artistes, les œuvres, tout ça, pour que les œuvres justement possèdent leur caractère propre et soient présentées finalement au même niveau que celle des artistes établis. Donc ça, je salue quand même l'initiative parce que, d'une part, ça rend l'exposition plus dynamique, d'autre part aussi, ben ça donne vraiment la place, là, toute la place aux artistes. Donc, si je parle de quelques œuvres de l'exposition, en fait, il y a, comme je le disais, 14 œuvres. Donc, on peut penser notamment à Daniel April, son œuvre « Entropie de verre, douce et une acrylique sur toile ». Donc, dans sa série « Des entropies sur verre », elle fusionne des éléments architecturaux dans une facture qui est quand même assez nette, à la limite un peu hyper réaliste. On voit des œuvres d'architecture contemporaine de verre qui sont fusionnées et qui créent comme des formes qui semblent flotter finalement dans l'espace. Donc, on voit pas un bâtiment, on voit deux parties de bâtiment qui créent une forme qui s'apparente plus à une forme géométrique. Et le fait que ça crée aussi peut-être le fait que c'est de l'architecture de verre, ça peut créer un effet qui est assez impersonnel, qui peut-être accentue cet effet impersonnel de cette architecture-là. Et le fait qu'elle flotte, les éléments flottent dans un espace, dans ce cas-ci, c'est un espace bleu, qui probablement nous évoque le ciel qu'on voit souvent se refléter justement dans ces bâtiments-là, donne un caractère qui est vraiment irréel. Daniel April, dans cette œuvre-là, dans cette série-là aussi, semble poursuivre la lignée de reconstruire le paysage où elle travaille la photo argentique avec des images superposées, le tout dans un exercice sur la mémoire et sur la manière dont on reconstruit la réalité. Donc, une œuvre assez intéressante qui, elle, je vous disais tout à l'heure que les œuvres sont pas nécessairement... les jumelages sont pas nécessairement présentés au mur, mais dans ce cas-ci, oui. Daniel April invité sa fille, Florence April-Borja, qui nous présente Forever 12. Et on regarde les deux œuvres une à côté de l'autre, puis on se dit, bon, il y a une forte parenté visuelle. Est-ce que c'est lié à la parenté des deux? On peut se questionner. Mais dans le cas de Florence April-Borja, elle nous présente un cercle sur fond noir, qui nous donne l'impression d'un diamant taillé. On voit donc des formes géométriques, il y a une netteté encore, un travail sur la réfraction de la lumière qui est tout à fait dans les mêmes tons que ceux de Daniel April, donc des tons froids, des tons bleus, gris, etc. Et encore une fois, cette image-là, cette figure-là est isolée sur le fond, donc on n'a aucun souci de profondeur ou de reconstruction d'un espace plus réel. Dans un autre ordre d'idée, Guy Lemieux nous présente Gel hivernal. C'est une peinture, ça le dit, gel hivernal, donc un paysage hivernal. C'est pas une peinture qui est actuelle, mais qui a une belle lumière contrastante. Vous savez, cette heure un peu mauve à la fin de l'après-midi en hiver. On voit la neige, la cabane, le fleuve, une horizontalité quand même intéressante. Et lui a invité Miguel Forêt à présenter Neige sur Québec, où là on voit une scène de ville en plongée avec une vue du fleuve dans le coin en haut à gauche. Encore une fois, ici, on n'est absolument pas en art actuel, mais ça rappelle quand même les images des impressionnistes québécois, puis c'est malgré tout un beau travail sur la lumière. Autre œuvre présentée dans l'exposition, celle de Carole Baillargeon, Paysage vêtements. donc avec un trait d'union, était Charlie, une œuvre faite en papier fait main, en fil, en bouton, en pyrogravure avec la couture. C'est une œuvre de 2013. Je précise d'ailleurs que la plupart des œuvres sont de 2013, quelques œuvres un peu plus anciennes, mais on est vraiment dans la production récente de chacun des artistes. Ici, Carole Baillargeon nous présente un portrait d'enfant sur papier fait main. Il y a des boutons rouges qui viennent créer une forme de couronne ou de rayon de soleil autour de la tête d'un des deux personnages. Il y a des motifs qui semblent abstraits aussi sur l'image. L'image est à la fois accentuée et cachée par les boutons. Un contraste que je trouve, qui vient de créer enfin un contraste intéressant entre ce dessin-là, qui est plus dans des tons de couleur graphite, si vous voulez, et les boutons qui sont rouges, qui sont luisants, qui rappellent... Moi, ça me rappelle ma jeunesse, peut-être parce que ma mère faisait de la couture, mais je trouve qu'il y a un caractère vraiment ludique là, qui est présent avec les boutons et qui vient aussi contrebalancer peut-être la délicatesse du papier, qui donne même, le fait main donne une impression d'artefact, de quelque chose de très, très précieux. Dans son cas, Carole Baillargeon a invité une artiste textile, Marie-Michelle B. Lemaire, qui nous présente une œuvre qui s'appelle Huguette. Huguette, c'est un portrait d'une dame âgée, de profil, avec les cheveux courts, il me semble qu'elle a les lunettes, donc on voit vraiment son âge, dans une impression en tissage jacquard, en fait, qui est une technique traditionnelle, mais qui a été actualisée dans une œuvre aux couleurs très modernes, au sujet plus visuel aussi. On dirait, je sais pas, un hommage à une couturière, ou elle peut nous faire penser à cette image type, peut-être qu'on a des femmes du cercle des fermières. Ce serait cohérent aussi avec le fait que Marie-Michelle Bellamare travaille le textile, mais on s'entend qu'ici, on est à mi-chemin entre les arts visuels et les métiers d'art. Donc, il y a tout le travail de la technique, mais un vocabulaire qui est très près des arts visuels également. Et parlant de mi-chemin entre arts visuels et métiers d'art, Marie-Ève Fréchette, une artiste quand même de la relève, l'a exposée jusqu'à tout récemment, où ça va se terminer dans les jours à venir dans la galerie d'art du Cégep Sainte-Foy, qui est une étudiante qui, je crois, est passée par la sculpture à l'École des métiers d'art, qui a été invitée par Jean-Pierre Morin. Elle nous présente une œuvre que je traduis par un comprimé, c'est agitation. Et ça, c'est une œuvre qui est à la fois fascinante et à la fois attrayante, épeurante plutôt. Donc, c'est une boule de médicaments. Donc, des comprimés, des gélules, je sais pas tous les noms de que ça porte, tous ces comprimés-là. Donc, c'est une boule de médicaments qui est très attrayante, très colorée, hein. Vous savez, des fois, c'est jaune et rouge, des fois, c'est bleu, c'est turquoise, c'est vert, c'est blanc. Bon, je passe les couleurs, mais vous avez quand même une idée. Comme je vous disais, elle était très attrayante. Je vous dirais que mon fils de 15 mois la pointait et la regardait, voulait vraiment aller la voir. Et là, je me disais, oh là là, ça, c'est vraiment dangereux. La mère en moi s'est mise en mode alerte. Mais quand même si j'avais pas d'enfant, je serais aussi en mode alerte parce que toutes ces couleurs-là sont attrayantes. La forme de la sphère, ça rappelle un chewing-gum là, qu'on achète dans les distributeurs. Ben moi, je regardais ça, puis il y a de la résine époxy aussi dessus qui fait que c'est très lisse, puis je me disais, oh là là, je pense que je suis pas contente que ça soit aussi attrayant. Il y a probablement une critique hein, de la société dans laquelle on est, où dès qu'on a un petit bobo ou une petite déprime, on se fait prescrire des antidépresseurs, on va voir le médecin, on ressort avec des... Bon, l'industrie pharmaceutique est très, très présente, exerce un contrôle. Pas un contrôle, mais bon, vous voyez où je veux en venir, donc... Ça fait, bon, très présente à l'esprit. Également, dans l'exposition, j'ai pas le temps, malheureusement, de parler de tout, mais une œuvre d'Odette Théberge qui a invité l'artiste Jean Désy. Également, Paul Béliveau nous présente une œuvre de sa série Capture et a invité un artiste qui travaille dans son atelier, un jeune diplômé de l'École des arts visuels, Antoine Lortie-Laporte, et Noëlla Diane a invité Diana Rodriguez-Pinson. Donc, je répète, l'exposition, c'est Tandem. Elle est présentée à la Clarté Dieu jusqu'au 16 février. De notre côté, on s'en va en pause audio. On écoute une pièce qui s'appelle Lab Echo. Voilà, c'est déjà la fin de l'émission de cette édition de l'aérospatiale. En terminant, je vous invite, ma foi, il y a plusieurs vernissages. Vous savez qu'on est en plein mois multi, là. Il y a d'ailleurs quelques événements qui ont eu lieu là, dans les deux semaines, les soirées ont eu lieu dans les deux semaines qui viennent de passer. Mais là, ça y est, ça commence jeudi, série de vernissages à 17h, le vernissage de Peter Fleming à la Galerie des Arts Visuels. À 19h, vernissage de La Forêt de Diane Obom-Sawin. Également, donc, à partir de 17h, le vernissage des installations 77 cas, premier, deuxième et troisième mouvement de Patrick Bernacchi. Il y a Wave Interférence de Robin Moody à vue, Contre-type de Caroline Gagné, François Lamontagne à vue également. Et à partir de 18h, là, on fait le vernissage des œuvres qui sont dans la salle multi et studio d'essai. Donc, 2012 de Lino, National Field, Québec City de Cupetelli et Mendoza, Fluide de Cinoscombe, et Une maison, un souffle de Jean-François Côté Mais mardi 25 février, en fait, je reviendrai, là, ça sert à rien de le mentionner à l'instant. Également, 14 et 15 février, c'est le spectacle La Chute du piano, qui est présenté par le Musée national des Beaux-Arts du Québec et le Mois Multi. Donc, c'est au musée le 14 et 15 février à 19 et 21h, je crois. Donc, je sais pas s'il reste encore des billets. Si oui, ben, dépêchez-vous. Et voilà. Donc, c'est la fin de cette édition de l'aérospatiale. On entre à pieds joints dans le Mois Multi à partir de jeudi. On était dans une petite période morte pour l'émission de cette semaine. Je remercie Jacques Gignac pour son travail à la mise en onde. Je remercie également mes invités et collaborateurs. Et je vous invite à rester sur les ondes de CKRL pour écouter Folk d'Amérique avec Gilles Chaumel.